mais il y a l'épigénétique, entre autres. Vous pouvez, par de la conscience puis de l'intégration, ça a un effet sur la génétique. Ça va être quoi, dans le fond, ce qu'on pourrait dire, l'intégration, la conscientisation? Ben, c'est au niveau de la conscience, c'est de devenir son programmateur un peu. Bon, c'est pas grave, là, mais il reste qu'il va tout avoir une structure qui englobe d'autres structures.